Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin en train d'étudier le chapitre 13. Hier, nous avons vu la première bête qui est montée de la mer, et ce matin, nous allons voir une deuxième bête qui va monter de la terre cette fois-là. Notre Père du ciel, quand nous voyons l'avenir de ce monde, s'est hérité contre toi. Quand nous voyons tous les malheurs qui vont arriver sur la terre, ça nous encourage à persévérer. Ça nous encourage à persévérer. Parce que l'apôtre Paul a dit, poussé par ton esprit, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables aux bénédictions de l'avenir. Oui, nous souffrons. Oui, nous sommes rejetés. Oui, nous pouvons mourir pour la foi en Christ. Mais la souffrance de ceux qui vont te rejeter va être des millions de fois pire. Et ça va être une souffrance qui va ne jamais arrêter. Mais pourtant, pour nous, les souffrances que nous subissons à cause de ton nom sont juste temporaires. Et pour l'éternité, nous jouirons du bonheur dans ta présence en te servant. Guide-nous ce matin encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Si je résume un peu ce qu'on est rendu, nous avons vu l'ouverture des sept trompettes et les trois malheurs. Et on a vu que le diable a été, le troisième malheur, le diable avait été jeté sur la terre. Il est enragé. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et il va s'acharner contre la femme et sa postérité, contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui gardent le témoignage en Jésus. Jusqu'au point où est-ce qu'il va finalement les vaincre et les faire mourir. Et on a vu qu'il va donner pouvoir à une bête qui a beaucoup de puissance, 10 cornes, 7 têtes, beaucoup d'autorité. Et le monde entier adore le dragon, qui est diable, qui est Satan. Littéralement, ouvertement, ils vont adorer le dragon, Satan, le diable. Et ils vont adorer la bête. C'est un personnage ou des personnes mises ensemble. Et ils vont adorer quelque chose d'autre que Dieu. Le monde entier va dire des blasphèmes contre Dieu, contre le tabernacle, contre le ciel. Et les croyants sont invités à persévérer malgré tout. Nous allons lire maintenant une deuxième bête qui va venir, je pourrais dire, aider la première bête, aider le dragon à détourner le monde entier de Dieu et s'acharner contre l'Église. Lisons ensemble, chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Car c'est un homme, nombre d'hommes, et son nombre est de 666. La première bête avait reçu son pouvoir du dragon. Ils font la guerre aux saints. Et là, il va monter une autre bête de la terre. Et celle-là a moins de puissance que l'autre, parce que l'autre avait 10 cornes, 7 têtes. Ici, c'est une bête avec 2 cornes. Elle est semblable à un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc, elle va tromper. Elle ressemble à un agneau. Elle va imiter, selon ma compréhension, Jésus-Christ. Ou elle va se faire passer peut-être même pour Jésus-Christ. Mais ses paroles ne reflètent pas le Dieu du ciel et Jésus, mais reflètent le diable. Elle va être pleine de bonté à l'égard des habitants de la terre. Elle va faire de grands miracles. Elle va faire de grands prodiges. Au nom de la première bête et du dragon. Elle va faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Elle va faire des miracles épouvantables, grandioses, pour séduire complètement les habitants de la terre. D'où va lui venir cette puissance? Comment se fait ça que cette personne-là va être capable de faire d'aussi grands miracles et prodiges? D'où lui vient sa puissance? De la première bête? Non, la première bête n'a pas de puissance en elle. Elle a la puissance qui vient du dragon. Donc, le dragon va donner de la puissance à la première bête et de la puissance à la deuxième bête pour qu'ils puissent séduire ensemble tous les habitants de la terre. Et que tous les habitants de la terre adorent le dragon. Dans Thessaloniciens, Dieu dit qu'il va, envoyer une grande puissance d'égarement sur ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Et je crois ici que Dieu permet tout cela. Dieu permet tout cela. Dieu veut tout cela. Et ce que Dieu veut, c'est que ces hommes et ces femmes endurcissent leur cœur d'une façon, je pourrais dire, éternelle. Un peu comme il a endurci le cœur de Pharaon pour finalement détruire Pharaon. Ici, il va permettre, il va vouloir toutes ces choses qui vont arriver sur la terre. Parce qu'il veut que les hommes et les femmes et les enfants du monde entier se détourne de Dieu, blasphème son nom, adore le dragon. Et pour ce faire, il va permettre à cette deuxième bête de faire des grands miracles, aussi grands que les miracles que Jésus peut-être a fait pendant qu'il était sur la terre. Et le monde entier va être tellement séduit qu'ils vont faire une image de la bête. Et cette image va parler. Elle va s'adresser aux hommes et aux femmes de ce monde pour qu'ils adorent l'image de la bête et que tous ceux qui n'adoreront pas la bête soient tués. On a vu que la première bête va finir par faire la guerre aux saints et les vaincre. Et ici, on voit l'aide qu'elle a eue. Donc, ils vont, vous vous souvenez dans Daniel? Et je trouve donc que ça ressemble, je vous l'ai dit, hein, ce livre de l'Apocalypse emploie une image, des images, emploie des termes, des principes qu'on a vus dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de cette image dans Daniel, de la grande statue? Tout le monde devait adorer la statue. Tout le monde devait venir se prosterner et adorer la statue. Acceptez Daniel et ses amis qui n'ont pas voulu adorer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a jetés dans la fournaise ardente. Ici, ils vont faire une grande statue de la bête, une grande image de la bête. Il y en a souvent qui m'ont demandé à quoi ça va ressembler. Je m'en fous à quoi ça va ressembler. Il va y avoir une image de la bête qui va être faite dans ce monde et qui va proclamer des blasphèmes contre Dieu. Et ils vont encourager, ils vont pousser le monde entier à tuer tous ceux qui n'adorent pas la bête, le dragon. Et là, il va donner au verset 16 le moyen de pouvoir identifier ceux qui adorent la bête et ceux qui n'adorent pas la bête, qui adorent Dieu. Là, il dit, et elle, qui ça? La bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le ou sur le front. Dieu avait identifié les siens au chapitre 7, du sceau de Dieu. Satan ici, l'imitateur, hein, l'imitateur de Dieu, l'imitateur de Jésus, vont demander aux autres d'avoir une marque sur la main et sur le front. Il y a toutes sortes de livres, toutes sortes d'opinions, il y a toutes sortes de faits qui ont été dites et écrites. Sur c'est quoi la marque? C'est quoi la marque? Comment est-ce qu'on va pouvoir? Si vous pouvez me permettre ça aussi. Je suis moins soucieux, moi, de cela, que de savoir que ceux qui sont de Dieu ne prendront pas la marque. Pourquoi? Il y en a qui pensent que les chrétiens vont pouvoir se faire mettre la marque sans le savoir. Non, non, non, non. Tu vas recevoir la marque seulement si tu adores la bête. Ça va être le moyen d'avoir ta marque, ton passeport, ta carte grise, d'avoir ton certificat d'identification, d'acte de naissance. Si tu veux avoir une identité pour pouvoir acheter, pouvoir vendre, pouvoir vivre dans ce monde en paix, afin d'éviter la mort, ils vont te demander d'adorer la bête. Sans ça, tu vas mourir. Tu vas être mis à mort. Tu ne pourras pas acheter ni vendre. Tu ne pourras pas rien faire. Il semblerait qu'au temps de l'Église qui a reçu l'Apocalypse, ceux qui adoraient César, on devait faire, tout l'Empire romain devait faire des sacrifices à César au moins une fois par année. Et quand on faisait l'adoration, le sacrifice à César qui lui était dû parce qu'il était un dieu. On voyait César comme un dieu, une divinité. On remettait à la personne un certificat pour démontrer qu'il avait fait son sacrifice à César durant l'année. Donc, n'importe quel soldat romain pouvait arrêter n'importe qui. Montre-moi ton papier. Comme de quoi tu as fait ton sacrifice à César cette année. Si tu l'avais pas, on pouvait te faire mourir. On pouvait te jeter en prison. On pouvait te persécuter. Ça ressemble pas à ça ici? Ben oui, ça ressemble à ça. Ceux qui n'adorent pas la bête, c'est ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau ne prendront jamais la marque. Jamais, jamais. Peu importe. Ça va être quoi la marque? Quand, moi j'ai dit ça souvent aux gens, peu importe c'est quoi, je vais la prendre, moi, les puces dans la peau, les marques partout, je vais les prendre tant qu'on me demande pas d'adorer la bête. Mais le jour qu'on va me dire, il faut que tu adores la bête pour avoir le droit de faire ça, oh, que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu en moi qui est le Saint-Esprit, je vais dire non. Je vais dire non. Peut-être que ça va m'amener beaucoup de souffrance et peut-être même la mort. Mais ça va durer qu'un instant. Et pour l'éternité, je vais être dans la présence de Dieu. Pour l'éternité, je vais être avec les enfants de Dieu en train de louer et de servir notre Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'Église, persévère, persévère, persévère. Ne te plie pas devant César. Ne prends pas la marque de César. Ne fais pas de sacrifice à César et l'adorer pour sauver ta vie. Accepte de mourir, s'il le faut. Si on te demande si tu as adoré César, par la grâce de Dieu, dis non, j'adore Dieu seul et Jésus-Christ, mon sauveur. Que Dieu nous donne ici, que Dieu nous donne ici, de bien comprendre, encore une fois, c'est écrit à une église qui vivait là sur la terre et ont reçu l'Apocalypse. Et ça, me semble que ça a dû être très facile pour eux autres de s'identifier ici, de dire, oh oui, il faut pas prendre, faut pas adorer César pour sauver notre vie. Il faut persévérer. Et les chrétiens de tous les temps font le même choix. Il y a des chrétiens dans le monde aujourd'hui, dans différents pays, qui sont déclarés chrétiens. Ils sont souvent tués, malmenés, persécutés. Même ici au Québec, des années 50, les premiers prédicateurs ont fait de la prison à cause qu'ils proclamaient la foi en Jésus-Christ. Et dans le monde aujourd'hui, on nous dit encore qu'il meurt des milliers de chrétiens dans le monde aujourd'hui pour leur foi. Que Dieu nous donne la grâce, frères et sœurs, de voir plus de valeur dans le ciel que n'importe quoi sur la terre. Qu'on ne puisse pas renier notre maître pour avoir des biens de ce monde. Souvent, les chrétiens m'ont demandé, est-ce que les chrétiens vont pouvoir être séduits? Les chrétiens ne seront jamais séduits. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui vont être séduits. Parce que l'Église à qui Jésus s'adresse, il y en avait déjà des églises, là, parmi les sept églises, qui avaient déjà été séduits par les Nicolaïtes, par les Balaam, par Jézabel. Il y en a qui étaient déjà séduits par les richesses de ce monde. Ils étaient tièdes. Ils avaient déjà été séduits. De tous les temps, il y a des gens qui, finalement, vont démontrer qu'ils n'adorent pas Dieu, mais qu'ils adorent autre chose que Dieu. Il y en a qui adorent ce qu'ils peuvent avoir de Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Il y en a qui adorent la créature au lieu d'adorer le créateur. Il y en a qui adorent la nature au lieu d'adorer celui qui a fait la nature. Oh, dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui s'adorait lui-même. Il se tournait vers lui. Il disait, médite sur qui tu es. Tu as de grandes puissances. Tu as de grands pouvoirs en toi. Il m'a invité à adorer moi-même. Non, j'adore que Dieu seul. Il n'y a aucune puissance dans l'être humain. Il y a de la puissance seulement qu'en Dieu. Oui, Satan est sur la terre pendant cette période-là. Il y a toujours, l'apôtre Jean dit, il va en venir un antéchrist. Mais il y a déjà des antéchrists sur la terre qui font le même job que l'antéchrist qu'il va avoir à la fin. Séduire les habitants de la terre. Afin qu'ils adorent autre chose que Dieu. Mais tous ceux qui adorent autre chose que Dieu vont subir la colère de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir écrit notre nom dans le livre de la vie. C'est la seule espérance que nous avons qui nous pousse à croire que nous allons persévérer jusqu'à la fin. Nous n'avons aucune confiance dans notre spiritualité personnelle. Nous n'avons aucune confiance dans nos capacités personnelles. La seule espérance que nous avons, c'est que notre nom est écrit dans le livre de la vie. Et que tu dis ici que tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie n'adoreront pas la bête, ni le dragon, ni la deuxième bête, mais qu'ils vont préférer la mort et de conserver leur foi en Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, peu importe ce que tu vas permettre de notre vie, ici-bas, que par ton esprit, on évalue que le ciel a plus de valeur que tout ce que la terre peut nous offrir. Au nom de Jésus, Amen.